cette journée de la CNSR avec la rencontre qui précède ensuite l'Assemblée Générale, qui commencera vers 15h30. Une rencontre qui est consacrée à la sélection des archives contemporaines. Et l'idée d'organiser cette journée d'études a surgi à la suite de l'émoi suscité en novembre 2017 et la fuite d'un document interne du Comité d'action publique 2022 visant à réduire le flux de la collecte annuelle et de dématérialiser, je cite massivement, les archives. C'est en tout cas ainsi que la chose était parue dans la presse. Puis le débat s'est déplacé autour de la notion d'archives essentielles à propos de ce qu'il fallait conserver et détruire en ces temps de disette budgétaire. Le contexte de l'inondation partielle des archives de Fontainebleau et des problèmes du bâtiment qui s'enfonçaient en juillet 2015 n'aidait en rien à calmer les esprits. Cette controverse a eu au moins l'intérêt de faire prendre conscience du fait que l'une des fonctions du service public des archives était précisément de sélectionner et donc de détruire les archives très contemporains. La sélection des archives est bien sûr nécessaire puisque tout ne peut pas être gardé, notamment les séries administratives massives comme les dossiers nominatifs de fonctionnaires, par exemple. Dès lors se pose la question des critères de cette sélection. Cela relève à la fois d'une politique scientifique, impliquant un pari sur l'évolution de l'historiographie, qu'est-ce qui intéressera les historiens du futur, mais aussi d'une politique de conservation et de ses limites matérielles, notamment budgétaires, mais pas seulement. La question peut se déplier indéfiniment, puisqu'elle implique également une réflexion sur la nature des archives à garder, sur les modes de destruction des archives matérielles qui seraient par ailleurs numérisées, sur la collecte des archives privées, etc. Donc c'est un très vaste sujet. Et c'est donc avec un très grand plaisir que nous accueillons aujourd'hui Yann Botin, qui est chargé de mission aux Archives nationales, qui parlera en premier. Ensuite, Margot Georges, archiviste au service commun de la documentation des bibliothèques et des archives de l'École pratique des hautes études. Et puis Françoise Banaberger, directrice des Archives nationales, qui a eu une réunion de dernière minute au ministère, où elle a été convoquée, interdite. Elle s'excuse, elle était très gênée, et elle va arriver vers 14h50. À présenter faire sa présentation. Donc je laisse sans plus tarder la parole à Yann Potin qui va vous présenter. J'ai pas noté de titre de la présentation, mais vous pouvez la rappeler peut-être. Oui, je vais la rappeler.